Unité 45. Le futur simple. Le train numéro 341 en provenance de Rouen aura 10 minutes de retard et arrivera au quai numéro 18. 2. Conjugaison. À partir du 1er janvier, je changerai d'habitude alimentaire. Tu mangeras moins. Il, elle, on préparera des repas légers. Nous marcherons une heure par jour. Vous choisirez des produits frais. Ils, elles, maigriront sûrement. Certains verbes ont un radical irrégulier. Aller. Il ira. Avoir. Nous aurons. Courir. Tu courras. Devoir. Elle devra. Envoyer. J'enverrai. Être. Vous serez. Faire. Nous ferons. Falloir. Il faudra. Mourir. On mourra. Pleuvoir. Il pleuvra. Pouvoir. Je pourrai. Recevoir. On recevra. Savoir. Tu sauras. Tenir. Elle tiendra. Venir. Je viendrai. Voir. Ils verront. Vouloir. Elles voudront.